France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Ce que j'aimais le plus, c'était aller en haut, à la lanterne, observer les mouvements des bancs de sable. Ces mots, ce sont ceux du dernier gardien de phare en France, Serge Andron, qui en 2013 a quitté le phare de Cordouan. Avec son collègue Jean-Paul Aymon, ils ont passé 35 années à se relayer à 67,5 mètres de hauteur, parfois jusqu'à 14 jours d'affilée. Ce dernier phare gardé, celui de l'île Vierge dans le Finistère, avait rendu ses hommes à la terre en octobre 2010. Leurs souvenirs, ce sont surtout les tempêtes. Quand vous voyez que tout commence à voler et que tout devient ingérable, les paquets de mer qui commencent à frapper le phare, l'eau qui passe par les fenêtres, des bruits très lugubres, vous priez le bon Dieu et vous attendez que ça passe. Ça va bien se passer ce week-end. Avec Michel Pomaret et François Test, ils retournent au phare de Thévenec pour nous raconter non plus l'histoire du phare, mais bien celle de ceux qui l'ont gardé. Allô Michel, ça va? Oui, c'est pour respecter la tradition. C'est pour respecter la tradition. Marc, tu m'entends Michel? Plein feu sur le phare de Thévenec. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Première partie. Oui, allô, tu m'entends? Gardien de phare. Des marins immobiles. Oui, bah oui, ça coupe. Michel Plouinec. Michel Pomaret, c'est mon nom. François Test, c'est le sien. Ouais. Bonjour. Bonjour, on n'a pas eu de mal à trouver. Aucun mal. Non, ça va. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, où est-ce qu'on est, Michel Plouinec? On est à l'Escoffe, ici. Et l'Escoffe, c'est... Le dernier village avant qu'on arrive à la pointe du Roc, quoi. Et alors après? Après, c'est le Ratsin, l'île de Saint, la chaussée de Saint, Armène, et puis il ne reste plus que la mer après. Et Thévenec? Ah oui. Il paraît qu'en breton, on dit Tovinok? Tovinok, ouais. Et alors, quel est votre lien à Tovinok, si on emploie le mot breton pour Thévenec? Bah, moi, quand j'étais petit, déjà, quand je descendais de chez ma grand-mère, donc la petite fille de Corentin Coquet, elle me montrait toujours le phare de Thévenec par la petite fenêtre qu'il y avait derrière chez elle. Mais mon grand-père était à Thévenec, gardien de phare. Votre grand-mère, donc vous disiez Corentin Coquet, qui était son grand-père. Était son grand-père, ouais. Qui est resté à Thévenec de 1881 à 1896. Exactement. 15 ouais. ans. Ouais, c'est lui qui a fait le plus à Thévenec. Il est parti à Thévenec et puis, il a demandé son changement. Hein. Je ne sais pas si c'est pas 6 ou 7 fois qu'il a demandé son changement. Et puis, il n'arrivait pas à avoir un nouveau poste. Je pense qu'il voulait venir à la vieille, quoi, pour avoir... La vieille, c'est le phare de la vieille. Oui, au phare de la vieille. Il est venu au phare de la vieille en fin 1896. Ouais. C'est où le phare de la vieille? Le phare de la vieille, celui qu'on trouve devant la pointe du Roc, quoi. À 1 kilomètre, quoi. Ouais. Au printemps 2016, Marc Pointude, le président de la Société nationale des phares et balises, a passé 69 jours dans le phare de Thévenec, en pleine mer, au nord du Ratsin. Avant lui, bien avant lui, se sont succédés sur place entre 1875 et 1910 des gardiens qui ont fait des séjours plus ou moins longs. Le record est détenu par Corentin Coquet. Son arrière-arrière-petit-fils, Michel Plouinec, se souvient. Qu'est-ce qui se racontait dans la famille sur Corentin Coquet? Pourquoi il atterrit là-bas? Il est de 1841, je crois. Il est mort en janvier 1906. Et je pense qu'il avait envie de faire gardien de phare, comme moi j'ai toujours envie d'être gardien de phare, comme mon grand-oncle était gardien de phare aussi, des cousins étaient gardiens de phare. Je pense que c'est un peu dans la famille, je pense aussi un peu, quoi. Ouais, je pense. C'est un métier spécial, hein. C'est un métier spécial. Ouais. Et être gardien de phare à Thévenec, Oui, à cette époque-là, je peux pas vous dire combien de temps qu'il allait au phare. Je pense que sa femme venait le voir à Thévenet que au mois de juin, par exemple, au mois de juin, au mois de septembre, je pense, oui. Et mon arrière-grand-père aussi, quoi, qui était son fils, quoi. Ouais. Et moi, comme j'étais gardien de phare, hein, il fut un temps, je me suis intéressé à ce qu'il avait fait. Donc ça, c'était Corentin Coquet, donc 15 ans de 1881 à 1896 à Thévenec. Donc dans l'enfer, puisqu'on appelle ça l'enfer là-bas. Oui, c'est un phare très dur. Personnellement, je pense qu'Armen est beaucoup plus dur encore. Armen est un phare situé à 18 km au large, 10 km au-delà de l'île de Saint, quoi. Je pense que les conditions armènes valent très certainement celles de Thévenec. Ah oui. Parce que Thévenec, vous avez moyen de, par beau temps, de circuler un peu sur la roche, tout ça. Bon, ce qui a fait la légende du phare, c'est qu'il y avait des bruits, c'est qu'on entendait des voix, tout ça. Hein? Bon, donc on a appelé ça un peu l'enfer, quoi. Mais pour moi, l'enfer des enfers, c'est Armen. Moi, je pense, ouais. J'ai fait deux hivers à Armen. Je totalise plus de 200 nuits au phare. Non, je pense qu'Armen, c'est quand même le phare le plus difficile. Mais bon, en 1881, à Thévenec, ça devait pas être rose non plus. Hein. Ça devait pas être rose. Parce que il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas d'électricité au phare, il y avait la lampe à pétrole, le feu à pétrole, et voilà, quoi. C'était, les conditions étaient certainement difficiles. Puis, son compagnon au phare, Alexis Kerliviou, est mort dans ses bras aussi, quoi. Ça, ma grand-mère me l'avait dit aussi. Il est mort de quoi? Alors lui, il se plaignait de fortes douleurs abdominales, mais il buvait énormément de rhum et tout ça. Il buvait, il était. Et puis une nuit où il s'est plaint à mon arrière-grand-père, il lui a dit j'ai mal au ventre, et il buvait de l'eau et de l'eau et de l'eau pour essayer de. Et puis je pense qu'il est mort comme ça dans ses bras, quoi. Là, c'est triste, hein. Il y a aussi une autre histoire aussi. Ben, Alexis Kerliviou, lui, on est venu le prendre, hein, quand il est mort. Par contre, il y a un gardien qui était à Thévenec. Il avait sa femme avec lui, et puis il est mort au phare. Et comme il voulait être enterré, sa femme a dû ouvrir le corps et mettre du sel, quoi. C'est fou, hein. Le mettre en conserve. Ouais, c'est fou, hein. On est compte un peu comment quoi, l'on vivait à cette époque-là, quoi. Quand même quelqu'un qui est resté 15 ans entre 1881 et 1896, c'est Corentin Coquet, l'arrière-arrière-grand-père de Michel Plouinec, lui-même oui. Gardien de phare. Oui. Donc lui, c'est un héros, Marc Pointu. Ben, un héros, mais eux, ils ne se considéraient pas comme un héros, il faisait son service, c'est tout. Hein. Il a fait son service, il ne s'y est plus, hein. Il a bien aimé, hein, mais il est resté. Enfin, il n'est pas resté 15 ans au même endroit, il a fait des allers-retours, forcément, il avait des périodes de congé. Mais il aimait bien son caillou. Mais il y a eu aussi les Kéméré. Une première famille. Oui, la seule famille d'ailleurs. Enfin, il y a eu deux couples avant, mais là, c'est un couple et ils ont eu trois enfants ici. Enfin, ils sont nés sur le continent, mais il y a des bambins qui courent sur la terrasse après. Donc, hein. 1905, voilà, les Kéméré ici, voilà. Avec trois enfants. Voilà. Et l'endroit même où nous sommes assis, il y avait qui là? Ben, peut-être la vache, du temps des Kéméré. Peut-être la vache, parce que j'ai longtemps réfléchi à cette question. On dit qu'il y a eu une vache pendant environ un an, etc., pour donner du lait aux enfants. Bon. Alors, est-ce que l'histoire est belle ou est-ce qu'elle est vraie? Ça reste ouvert, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes techniques qui se posent. Alors, certes, c'est une petite vache, une pinoire bretonne, etc. Bon, pas un gros mastodonte, donc, mais malgré tout, vous avez vu l'arrivée, il faut que la vache, elle monte les marches. Il faut la débarquer. Alors, probablement pas là où on était, parce que la vache, elle n'avait pas monté à l'échelle, mais plutôt derrière la digue, la petite cale qu'on n'a pas pu prendre, parce qu'il y avait trop de houle. Bon. Mais il y avait un monte de charge aussi, là. Il y a un endroit, on voit, il y avait un monte de charge. Peut-être que la vache a été hissée. Mais si on la hisse là-bas, vous pourrez aller voir, on va aller voir, il y a, entre la construction et le caillou, il n'y a pas le passage d'une vache. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je ne pense pas qu'elle soit arrivée par là. Je pense qu'elle est arrivée par la petite cale de l'île de Saint, côté Saint. Qu'on l'a faite monter tranquillement les marches sans de l'affoler pour pas qu'elle tombe. Et puis qu'on l'a mise ici où nous sommes, qui est une espèce de réduit qui a été construit, je pense, pour elle. Elle ne devait pas être plus grosse. Et puis là, le banc où on est assis, ben, on devait y mettre le foin. Celui servait de mangeoire. Et puis voilà. Mais elle n'a jamais vu les vertes prairies de la Normandie, cette vache-là. Elle est toujours restée ici, le dos tourné à la mer. Au-dessus de nous, Marc Pointude, il y a une croix. Oui. Expliquez-moi l'histoire de cette croix. Eh bien justement, comme tout le monde disait que le lieu était hanté, que ceci et que... Alors après, il y a eu plusieurs accidents de gardiens qui étaient ici. Hein. Il y en a un qui a été emporté par une lame. Enfin, c'est dangereux de pêcher aussi au bord, c'est connu. Même pour l'instant, il fait bon, c'est pas si tout d'un coup, il n'y a pas une lame qui peut passer. Hein. Il passera sans bruit, il fera 2 mètres de haut, et puis si le pêcheur n'est pas attentif, il est emmené, puis il disparaît. Évidemment, par mauvais temps, on n'y pense pas, mais par beau temps, c'est dangereux aussi. Bon, il y a un pêcheur, il y a un gardien qui est tombé à la mer comme ça. Évidemment qu'il a disparu. Il y en a un autre, on parlait justement de Coquet tout à l'heure, son auxiliaire, qui a été nommé, à peine il était là depuis 1 mois, il est mort dans ses bras. Il y en a un autre qui est tombé sur son couteau et qui s'est tranché la vertèbre fémorale. Bon, mais je pense que là, le 3 étoiles est quand même dans le coup parce que pour tomber sur son couteau et se trancher la fémorale, faut... Mais par contre, c'est clair que si on est tout seul ici, à l'époque, sans VHF, sans hélicoptère, sans rien, et qu'on se tranche la fémorale, dans le quart d'heure qui suit, on est mort. Ça, c'est à peu près certain. Michel Plunec, gardien de phare, c'est un métier spécial. Expliquez-moi. Bah, moi, je pense que pour faire gardien de phare, déjà, il faut aimer la solitude, en fait. Et puis aussi du caractère. Être costaud dans sa tête aussi. Ah ouais. Si vous n'êtes pas costaud dans votre tête, c'est pas la peine de faire gardien de phare en mer, hein. Je précise, gardien de phare en mer, hein. C'est quand même spécial. Même moi qui étais gardien de phare jusqu'aux années 80, hein, moi j'ai connu le phare, il y avait une vacation à 8h10, une vacation à 16h15, et puis en dehors de tout ça, il n'y avait aucun contact avec la terre, quoi. On n'avait pas le téléphone au phare, j'étais à Armen, il n'y avait pas un congélateur à Armen, il n'y avait rien. Hein. On avait 6 repas de viande pour faire la semaine. Ils avaient décidé ça, les gardiens. 6 repas de viande. Parce qu'ils comptaient énormément sur la pêche, quoi. Mais en plein hiver, on peut pas faire la pêche. Donc, on comptait sur le poisson qu'on avait mis à saler, quoi. Mais bon, parfois, c'était juste, quoi. Parfois, c'était juste. J'ai vu Armen, des fois. C'était pas la joie. Hein. Non. Non. Vous aviez amené de la lecture? Pendant mon quart de nuit, je lisais pas. Hein. Je lisais pas. J'ai écouté, je pense. J'écoutais les bruits. J'aimais bien être là, en fait. C'est spécial. Hein. Je me rappelle une nuit, je monte en haut dans la lanterne à Armen. Impressionnant. Impressionnant. Ahurissant. Le vent, le bruit... Le feu, l'eau qui rentre de partout, les paquets de mer qui viennent sur la lanterne, complètement fou. Et alors je descends dans la cuisine, il est 2h du matin, je bois un café, puis à 3h30 j'en bois un autre, à 5h j'en bois un autre, et c'était comme ça mes quarts de nuit. Mais je lisais pas, hein. Pas comment on pouvait pas faire le quart là-haut, hein, parce qu'il y avait l'eau qui tombait partout. Donc j'ai passé des nuits à Armen aussi avec des serpillères et plongé, quoi. à éponger. À qui je pensais ? Je pensais à lui, hein, à Corentin Coquet. Hein. Ah oui, oui, je pensais à lui. Ouais. Mais Michel Plouinec, un gardien de musée, ça garde des œuvres d'art. Un gardien de cimetière, ça garde des morts. Mais un gardien de phare, ça garde quoi ? Bah, écoutez, un gardien de phare, je pense que rien ne remplacera l'être humain. Maintenant, les phares ne sont plus gardiennés. C'est une grave erreur, je pense. Parce que même les marins qui passaient le ratin, ils étaient contents de voir un gardien de phare sur la roche. Hein. Puis un phare en mer qui était habité, était très bien entretenu. Et puis, on se sentait utile quand même. Hein. Moi, je me sentais utile de jour comme de nuit. Hein. Donc le gardien de phare, il garde le feu. Garde le feu, garde le signal, veille aussi à ce que quand la visibilité devient est réduite, on devait mettre le signal sonore en route, quoi. Ouais. Et puis voilà. Ben oui. Est-ce que le gardien de phare, c'est un marin échoué ? Oh, je dirais pas échoué, je dirais immobile. Immobile plutôt. Non, un marin immobile, oui. Mais traditionnellement, les gardiens de phare en mer étaient recrutés chez les anciens marins. Enfin, il y a eu beaucoup, par exemple, quand les grands voiliers, et beaucoup de navigateurs au long cours sur les grands voiliers, quoi, des matelots, ou des officiers, peu importe, mais qui étaient. Qui ont été débarqués quand les grands voiliers sont arrêtés dans les années, on va dire, autour de la Première Guerre mondiale, quoi, et un peu après. Et donc, ils étaient jeunes, parce que tous les équipages étaient jeunes sur les grands voiliers, c'était pas, sauf les postes les plus importants, mais sinon c'était des jeunes, donc il a fallu qu'ils retrouvent du boulot à terre, et ça a été une bonne source de recrutement pour les ferribalistes, parce que les marins sont habitués à ranger les choses, à organiser, à faire attention à ceci, à cela, ce qui sont des vertus indispensable sur les phares en mer. Et puis il fallait qu'à l'époque, encore jusqu'à récemment, tant qu'il y en a eu, les marins étaient, les gardiens étaient embarqués sur le phare ou débarqués par le ballon. Donc il y a un côté maritime, quoi. Faut le pied marin, faut pas avoir mal de mer, faut voilà. Donc beaucoup ont été recrutés là-dedans. Alors après moins parce qu'il y avait de moins en moins de marins, mais il y a plusieurs chansons de marins qui disent en rigolant, enfin comme ça, après la dure vie en mer, vivement que mon fils soit recruté au ferribalisme pour couler des jours heureux. C'est vrai que la vie sur les grands voiliers était très difficile, donc pour eux c'était une sinécure, quoi, c'était bien. Vous vous rappelez la première fois que vous êtes monté au phare ? Parce qu'il paraît qu'il y a une expression, on dit monter au phare. Ouais. Ouais, je me rappelle la première fois que je suis allé au phare, ouais, je me rappelle, ouais. En rentrant au phare de la Vieille, je vois écrit un peu plus loin que la porte, 1886, ouais, je me rappelle de ça. Et puis, l'odeur du phare spécial, quoi. Est-ce que ça sent comme dans un bateau ? Pas pareil encore. Pas pareil, parce que j'étais marin de commerce avant. Non, c'est pas encore pareil. Dans les escaliers à la Vieille, ça sentait le pétrole, ça sentait le gasoil, ça sentait un peu de tout ça. Ouais. Ouais. La nuit, on entendait le feu, parce que de la cuisine, il fallait qu'on entende le feu des fois quand on était en bas. Quand, par exemple, on avait envie de rester un peu en bas dans la cuisine, on laissait ouvert la porte de la salle de veille pour qu'on entende le feu. C'est chut, comme ça. Un feu au pétrole ne se réglait pas à la vue. Il se réglait à l'oreille. Ouais. Ouais. Expliquez-moi comment vous réglez le feu à l'oreille. Ça s'apprend avec le temps. Quand je suis monté au phare de la Vieille la première fois, Jean Donnard, j'étais avec lui, il m'a dit ça viendra pas tout de suite, ça viendra avec le temps, quoi. Il m'a fallu 3 mois quand même, quoi. 3 mois, ouais. Ah ouais. À Armen, c'était un brûleur de. Un petit brûleur de 45, je crois. La Vieille, c'était un brûleur de 80. Ça faisait le même bruit, mais c'était pas le même feu, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé ce temps. Qu'est-ce que j'ai aimé ce temps. Seul, quoi. Je me rappelle un jour, j'étais en train de faire une partie de pêche à la Vieille. On était en... Il devait être 4 heures de l'après-midi. C'est Jocelyn Doux qui était avec moi au phare, un gars de l'île-Dieu. Et puis, je lui dis, hop, oh, j'ai toute la nuit devant moi encore. J'ai toute la nuit devant moi. Comme si j'étais content que la nuit m'appartienne un peu. J'ai toute la nuit devant moi. C'est comme si on était content que la nuit soit à nous quelque part parce qu'on sera là, quoi, en état de veille, quoi. Il faut aimer ça. Déjà, quand je naviguais au long cours, j'aimais bien cet état de veille. Je faisais 4 heures sur une passerelle d'un pétrolier de 200 000 tonnes, mais je n'étais pas tout seul. Il y avait le lieutenant, il y avait le commandant qui venait, il y avait le second. Mais là, au fin, vous êtes seul. Et c'est pas 4 heures de quart. Je prenais mon quart à Armen à 23h30 jusqu'à 8h55 le lendemain. Hein. Ah oui, au mois de novembre, c'est ça, hein. Novembre, décembre, ce sont les nuits les plus longues, hein, c'est ça, hein. Vous disiez, Michel Plougnac, j'ai toute la nuit devant moi. Mais une nuit, pour quoi faire, en fait? Ben, une nuit pour surveiller le feu, pour veiller à, quand la brume arrive, de mettre le signal sonore en route, à regarder s'il n'y a pas un bateau en difficulté, tout ça, on sait, quoi. Même un petit voilier qui passe peut être en difficulté. Mais une nuit pour rêver aussi. On rêve pas quand on est gardien de phare. On n'a pas le temps de rêver. Non, non, le travail, il est là. Hein. Disons, moi, je voyais les choses comme ça. Changement de perspective. Regard sur Thévenec depuis l'île de Sein avec Yvon Hervéou, couvreur, qui a rénové le toit du phare en 1950. Mais est-ce que quand vous avez passé ces quelques jours à Thévenec, vous êtes senti l'âme d'un gardien de phare? Non. Ah non, non, parce que moi je veux bien passer un ou deux jours, une ou deux nuits, et puis c'est bien. Mais rester là-bas et puis se dire si est-ce qu'on sera alimenté le lendemain ou pas selon la mer, hein, et la mer qui passe par-dessus le toit en permanence, enfin pas en permanence, mais chaque fois qu'il y a une grosse vague, surtout à Mariotte, et ben c'est, moi j'aurais plus. Oh non, ça, mon cousin était gardien de phare, il était à l'Armen aussi. Mon cousin était à l'Armen. Et c'est pas marrant. Hein. Moi, j'ai monté à la Vieille, j'ai monté à l'Armen, j'ai monté dans les phares de Wesson aussi, tout ça, parce qu'on travaillait pour les ponts et chaussées, en sous-traitance pour les ponts et chaussées. Quoi. Et gardien de phare, ça... non, je n'aurais pas fait gardien de phare. Moi, ouais, il faut quoi, quoi Oh, c'est un sacerdoce, hein. Oh là là. C'est pénible comme truc. Hein. Être séparé de sa famille, tout. Et encore là, sur le Thévenec, il était avec sa famille, le mec. Oh là là là. Vous dites quand même qu'ils sont devenus tous chavirés. C'est-à-dire, le cerveau prend une sacrée claque, hein, parce que nous, même, vous savez, on n'a pas une mer. Mais on entendait quand même un peu le bruit, quoi, vous savez. Alors, quand il y a la tempête, je ne vous dis pas que ça a la tête. Hein. On n'avait pas d'appareil pour enregistrer les bruits, quoi. Il y a du mauvais temps, rien que quand il fait beau déjà, c'est assez impressionnant. Michel Plouinec, il y a 2 ans, Marc Pointu a passé 69 jours à Thévenec. Ouais. Il a fait des vacations radio avec vous tous les soirs. Enfin, pas tous les soirs, mais beaucoup. Pas tous les soirs, ouais, ouais. Pourquoi ? Ben moi... Moi, ça m'a quand même sidéré que Marc aille là-bas, enfin. Pourtant, c'est vrai, je connaissais un peu. C'est-à-dire, quand je suis allé à la baie des Trépas, c'est où son association avait fait un pot, c'était très sympa. Marc avait fait un petit, il avait pris la parole. Puis moi, je pensais à Marc, quoi. Je me disais, ce soir, il va trouver drôle, hein. Y avoir tant de monde autour de lui, il était 3h30, dans quelques heures, mon gars, je disais, tu vas te retrouver tout seul, enfin. Et moi, je savais ce qu'il allait connaître, quoi. Vous voyez? Alors, les vacations. Je suis resté là-haut, au-dessus du village, au-dessus du village de Lescoff, où il y a une très, très belle vue sur le phare. Je suis resté jusqu'à la fin, quoi. J'ai vu les allées. Et l'hélico qui a emmené le matériel, je dis, c'est pas vrai, il y va. Et puis, je lui dis, je t'appellerai. Et je l'appelais après le 19h45. Et puis, 3 jours après, toujours, un peu comme au phare, sans m'en rendre compte, hein. Sans m'en rendre compte, 19h45 était l'heure à laquelle il fallait que je lui téléphone. Parce que, en pensant à Marc, je pensais à mon arrière-grand-père. Ben oui, inévitablement, quoi. Parce qu'il retournait où est-ce que mon arrière-grand-père avait fait 15 années, quoi. Oui. Oui, ça se passe très bien. On a eu un très beau temps. Je ne sais pas si vous avez eu de la pluie, mais nous, on a eu du beau temps. Voilà. D'accord. Et t'as pas eu du super temps, Marc ? Il y avait un petit peu de vent ce matin, non ? Ah non, non, ça a été très bien. On a pu débarquer facilement. Il n'y a pas eu de problème. Et puis, on a eu une belle journée. Bon, et vous allez quand à l'île de Sein ? Ah ben, ils partent demain matin. Demain, d'accord. Voilà. Michel ? De quoi vous parliez avec Marc quand vous vous appeliez à 19h45 il y a 2 ans? Ben, je voulais savoir comment il allait, ce qu'il avait à faire, tout ça, quoi, voilà. Michel, est-ce qu'avec Marc, vous avez un point commun, c'est que vous êtes amoureux tous les deux? De la solitude? Un peu, ouais, aussi, peut-être un peu aussi, ouais. Ah oui, ça doit être ça, probablement, oui. Mais on aimait bien se parler. On aimait bien se parler quand même. Ouais. Voilà. Bon, ben écoute, Michel, je vais te souhaiter une bonne soirée, alors. Merci, Marc, et bonsoir à toi et à tes amis, alors. Hein. Merci, et puis bonjour à la Terre. Salut. D'accord. À bientôt, au revoir, Marc. Salut, Michel. Plein feu sur le phare de Thévenec. Gardien de phare des marins immobiles avec Marc Pointude, Yvon Hervéou et Michel Plouinec. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède.